écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Tant de Père, merci pour cette horizon nouvelle que tu traces pour notre pays. Merci Père, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde pour notre pays. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre que l'idolâtrie et le culte ancestral a causé tant de mal dans ce pays. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre les dispensations, ce que le temps que tu as dispensé pour ce pays. Donne-nous, ô Père, de marcher dans cette direction et de marcher, ô Dieu de gloire, dans la voie de ta parole. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre, ô Dieu de gloire, les temps dans lesquels nous vivons. Je prie, Père de gloire, pour ce peuple et pour tous ceux qui nous écoutent ailleurs. Je prie pour tous les Camerounais qui sont partout dans le monde entier, Père. Je prie que tu leur donnes de saisir, ô Dieu, le temps que tu as mis à leur disposition. Je prie, ô Père de gloire, pour tous tes serviteurs qui se trouvent enfouis dans ce pays et ailleurs, puisses-tu les révéler aux yeux du monde pour la gloire de ton nom. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tous ceux dont tu avais prédestiné tes dons en eux pour les utiliser en ces temps-ci. Je prie, Père, que tu les gardes dans ton carquois et que tu les utilises, ô Dieu de gloire, comme des flèches, Père de gloire, contre les attirances de l'ennemi. J'ai prié au Père de gloire que tu les bénisses, que tu leur donnes de marcher dans la voie de la sainteté, de marcher, Père de gloire, sur ta trace, et puis qu'ils marchent dans ta parole, ouante. Donne-nous, Dieu de gloire, de marcher étant serré avec toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Le Cameroun verra des glorieuses visitations. Des glorieuses visitations. Visitations. Un vent va souffler dans le pays ici. Souffler. Quand on dit vent, vous allez croire que c'est la tornade. Mais si vous voulez bien comprendre ce que je viens de dire, un vent va souffler dans ce pays ici. Je vous avais dit une fois, une autre fois ici, en parlant des gens qui lancent le défi au pasteur. Vous vous souvenez, les débats télévisés au là-bas. Attendons, beaucoup vont chercher l'asile. Beaucoup vont chercher l'asile. Vous voyez comment les groupuscules se lèvent, parlent des choses de Dieu. Le Dieu dit que Jésus n'existe pas, la Bible est fausse, il faut qu'on rentre au culte ancestral. Attends, le Saint-Esprit vient. C'est le Saint-Esprit qui confronte. Vous allez sur le cours de la discussion par rapport à la parole. Il va dire que la parole n'a jamais existé. Mais quand tu vas mettre la parole du côté et que la personne se place là-bas, tu dis que jusqu'à quand perverras-tu la voix du Seigneur, l'obscurité tombera sur toi. Quand ça va faire BAM, on va savoir que la parole là est vivante. Amen. C'est là où nous sommes en train d'aller. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notez le livre d'Ésaïe chapitre 57. Nous commençons là la solution contre les mauvaises pensées. Première partie. La solution, ou mieux les solutions contre les mauvaises pensées. Donc nous avons vu, oui. Dans le livre d'Ésaïe. Je voulais poser une question dans le livre d'Ésaïe. J'ai trouvé quelque chose là qui m'a un peu dérangé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, la Bible des Capitules, verset 12. Il dit tout voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore. Oui. Et dans le chapitre 62, la Bible dit pour l'amour de Sion, je ne me tirerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et dans Ésaïe 62, on te parle de Christ. Bon, je pose la question. Tu étais la dernière fois. Hein? Oui. J'ai parlé de ça ici que vous écrivez ici, non? C'est pas ce que j'ai dit que vous écrivez là-bas, Lucifer là-bas, dans Ésaïe 14. C'était ici. C'était ici, non? Mais quand tu étais là, j'avais trouvé ça. Ok, c'est bon. Donc, Ésaïe chapitre 57, ça va. Ésaïe chapitre 57, notez. Notez Ésaïe chapitre 57, Ésaïe chapitre 29, le verset 13. J'espère que ça ne doit pas aller avec beaucoup de versets comme la dernière fois là. J'espère bien. Priez pour moi, d'accord? Voilà. J'ai dit Ésaïe chapitre 57. Vous avez noté? Notez le livre d'Isaïe, chapitre 29 également, verset 13. Nous, souvenez-vous, nous commençons à poser plus de questions. Nous commençons maintenant les solutions. Nous avons diagnostiqué que la plus grande bataille que le chrétien a maintenant, c'est contre les mauvaises pensées. Maintenant, comment résoudre ces problèmes des mauvaises? C'est là où nous sommes en train d'avancer là maintenant. D'accord? Donc ne posez pas de questions. Pas de questions maintenant jusqu'à ce qu'on en finisse. Maintenant, Isaïe chapitre 57, vous avez noté. Chapitre 29, verset 13 du chapitre 29. Vous avez noté? Notez le livre de Jérémie, chapitre 4 et chapitre 5. On va y revenir maintenant. Jérémie, chapitre 4, le verset. Non, mais notez chapitre 4 et chapitre 5. On va y revenir tout à l'heure. Merci, Père. Merci, Père. Notez le livre des Cantiques, Le livre des Cantiques, Chapitre 3, verset 1 à 4. Et le chapitre 5, verset 2. Vous y êtes? Le livre du prophète Joël. Lui, le prophète Joël, chapitre 2, verset 12 et suivant. Donc, je vais introduire tout simplement. Et la prochaine fois, souvenons, nous sommes dans cette période de jeûne durant tous ces mois-ci. Prenez cela au sérieux. J'arrive à la fin par rapport à ce principe. Donc, le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 12 et suivant. Vous y êtes? Le livre du prophète Osée, chapitre 7. Notez. Le livre du prophète Osée. Voilà. 7. Osée, chapitre 7. Donc, nous sommes en train de vouloir creuser maintenant pour voir quelle est la solution. Vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Je suis en train de chercher comment on va commencer ceci. Parce que c'est tellement intéressant. Il faut donc qu'on construise ça doucement. Donc, je préfère cette fois-ci. Notez le livre de Josué, prophète Josué. Merci, Père. Josué, le chapitre 24. J'ai donné Osée, chapitre 7. Je n'ai pas donné de verset. On va y revenir. Le livre des prophètes Josué, chapitre 24. À partir du verset 14. Jusqu'au verset 23, 25, comme ça. Donc, à partir du 14, de toute façon. On avance là, frère. Bon, nous avons diagnostiqué que le problème de l'homme, c'est quoi? Mauvaise pensée. Donc ça, c'est là. Et le siège, c'est où? Dans le cœur. Je veux donc toute votre attention. Et les dernières fois que nous avons eu à travailler, nous avons vu que tout autour de nous, ce qui est là-bas, a pour but, objectif d'injecter en nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, des choses qui sont mauvaises. Vous suivez, frère? Amen. Et bien plus encore, on se pose la question, parce qu'on peut accuser aussi la télévision, par exemple, de nous avoir donné l'homosexualité. Mais avant que la télévision ne vienne dans l'Afrique, il y avait l'homosexualité. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Mais on se pose la question, comment ils ont fait pour savoir? Parce que ce n'est pas seulement importé. Alors, ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont là pour enseigner ces choses-là, malgré qu'il n'y ait pas la télévision. La télévision sert seulement d'amplification et d'endoctrinement en masse. Ça veut dire que si c'est un esprit, il va falloir qu'il enseigne à cette famille, avec cette famille-ci. Mais lorsqu'il projette ça à partir d'un écran, à partir d'une diffusion, il est sûr qu'il touche beaucoup de foyers au même moment. Monsieur, mes frères. Amen. Alors nous avons vu que nos pensées sont constamment et de façon perpétuelle bombardées par des pensées étrangères, des esprits sujets à nos pensées, des choses que nous avons pensées. Et nous pensons que nous sommes nous qui pensons, alors que ce n'est pas nous qui pensons en réalité, on pense au travers de nous. Vous le vouliez ou pas, et nous avons vu plusieurs fois dans les Saintes Écritures, et lorsque nous avons commencé particulièrement, nous avons lu le livre de Deutéronome chapitre 4, le verset 9, où Dieu avait dit à Israël de se garder, d'oublier les miracles et les choses qui se passent au milieu d'eux. Et Dieu dit effectivement qu'ils gardent ça dans leur cœur. Nous avons vu que le Seigneur voulait leur dire de façon claire qu'ils doivent garder cela pour que leur cœur médite là-dessus, pour qu'ils n'aient pas à s'éloigner de Dieu. Et par conséquent, ce que nous regardons, ce que nous prenons pour méditation, prenons à cœur, semble nous gouverner et médite notre cœur. Et notre cœur est capable de s'éloigner de la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous commençons à embrasser des choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Et donc, on est arrivé à la conclusion que vous l'admettez ou non, le cœur ne peut pas rester neutre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, débarrasser les objets de notre cœur. Voilà la première étape que nous allons voir. Allons-y, doter. La première étape consiste à débarrasser tout ce qui est entré en nous. Notez le livre de Matthieu, chapitre 21. Ce qu'il va raconter se trouve là-bas. Et je crois que dans cet enseignement-là, ça a commencé là maintenant. Vous voyez cela? Quoi qu'il faut qu'il calme. Moi, je me calme là-dedans. Matthieu, Frère David, ça va? Tu peux ouvrir ton cœur et parler et dénoncer n'importe quoi qu'il y a. Oui. Hein? Oui. Sans que je ne pose de questions. Oui. Tu peux dénoncer n'importe quoi qu'il y a sans que je ne te pose de questions. Oui. Éphésiens chapitre 5, notez. Oui, tu dis quoi? Moi, si j'ai oublié, c'est un truc. Ok. Donc, nous avons vu que le cœur ne peut pas rester neutre. Remarquez que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas. Regardez, chacun, mettez la main sur votre cœur, voilà. Mettez tout simplement la main, restez tranquille. Restez juste calme. Vous ressentez quoi, vous? Le battement. Quand tu dors, ça bat. Oui. Quand tu manges, ça bat. Oui. Donc, ça bat que tu le veux ou pas. Que tu sois en train de manger ou en train de faire n'importe quoi, ça continue à battre. Pas vrai? C'est ainsi, c'est pensé à elle. Cet organe, c'est quand c'est à l'intérieur, ça fait ce que ça a fait indépendamment de vous. Donc, vous avez fait n'importe quoi, vous réfléchissez à un sujet, ça en est de battre. Cantique, chapitre 5, prenons ça, le verset 2, ça dit quelque chose là. On va lire là. Regardez. On va revenir sur cette femme qui en est de parler de son mari là, d'accord? On va voir, il faut qu'on entre dans le cœur de cette femme pour voir ce qu'il en est. Cantique des cantiques. Donc, la première étape, nous sommes dans la marche vers la solution. C'est-à-dire que nous avons posé un problème. Nous avons diagnostiqué qu'en réalité, quel est le vrai problème, n'est-ce pas? Quel est notre vrai problème? Nous sommes arrivés au niveau où nous comprenons que le vrai problème, c'est les mauvaises pensées. Donc, ça veut dire qu'en nous, c'est tout dans les mauvaises pensées. Nous avons passé du temps à étayer cela dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Alors, nous sommes arrivés au niveau où on crie. Comment on doit faire pour résoudre ces problèmes-ci? Mais nous nous rappelons que les mondains subissent ces mêmes pressions que les chrétiens. Et les mondains n'en sont même pas conscients. Enfin, même s'ils sont conscients, ils ne peuvent même pas résoudre ce problème parce qu'ils sont plongés à l'intérieur. Puisque la Bible nous a dit qu'ils sont gouvernés par le prince des puissances des ténèbres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, puisqu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils ont l'intelligence quoi? Obscurcie. À cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, quelqu'un est comme ça, à l'intérieur de son cœur, il y a l'ignorance. C'est pour ça qu'il peut donc dire qu'il n'y a pas Dieu. Il peut donc dire que Jésus n'a jamais hésité. Il peut donc dire que votre Jésus là n'est mort depuis. Il peut dire n'importe quoi de la Bible contre la vérité. Parce que 2 Corinthiens 2 Timothée, qu'on a lu la dernière fois, chapitre 2, les versets 23 à 26, dit clairement que Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, quand il parle que votre Bible là est fausse, ayez pitié de lui. Il a été captivé. Même si la personne a un diplôme, n'importe quoi, ayez pitié de lui. Puisque avec leur sagesse, ils n'ont pas connu Christ, pas vrai? Et la Bible déclare que donc, la révélation de cet évangile, ça prouve leur folie. La prédication de la croix. Alors, ça dit que les mondains ne peuvent pas résoudre le problème des mauvaises pensées. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas une machine pour cela. Il n'y a pas un appareil qui crée des appareils. Des milliards d'années, ils ne trouveront pas des appareils. Alors, ce n'est qu'en Christ que ça peut être ôté. D'accord, frère? Cantique de Cantique, chapitre 5, le verset 2, il y a trois points de suspension là dans ce passage. On va y revenir. D'accord? Pourquoi les trois points là de suspension? Allons-y, mon cher. J'étais endormi. Oui. Mais mon cœur veillait. Soulignez mon cœur veillait. Ça veut dire qu'il ne pas prendre la Bible pour commencer à vouloir ouvrir chaque fois, ça va même perdre le temps. C'est mieux. C'est pour ça qu'il vous donne le verset. Il demande que vous lisez. Parce que comme ça, il soit sûr que vous êtes dans le verset dont je suis en train de parler. Alors, pourquoi elle était endormie? Qu'est-ce qui était endormi? Le corps. Le corps était. Mais qu'est-ce que la personne s'est dit? Le cœur veillait. Je veux que vous m'expliquiez. Le cœur ne connaît pas la pause. Mais voilà. Quand on est endormi. Donc, cette personne-ci, malgré qu'elle était dans les états d'inconscience, parce que dormir, ça veut dire que votre homme, que vous réfléchissez normalement et de façon rationnelle, est couché en repos. Vous entrez dans un mode de repos, pas vrai? Mais il dit son cœur quoi? Veillait. À votre avis, pourquoi ces personnes, son cœur veillait? Le sentiment. Vous savez qui en a parlé là, non? Qui parle là? Rentrons au chapitre, vous me regardez vraiment, je crois que je voulais vraiment construire. Rentrons au chapitre 3, lisons les versets 1 à 4. Papa, tu peux nous lire cela? Chapitre 3, écoutez très attentivement, vraiment très attentivement, allons-y. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Stop. Cette personne s'est dit que sur sa couche, qu'est-ce qu'elle veut dire par sur sa couche? Donc, quand vous voyez couche, ça veut dire le lit. La personne est couchée. Ah, Seigneur, viens. Viens. Que le Seigneur vienne. Que le Seigneur vienne. Il est sur sa couche. Pendant quoi? Pendant les nuits. Quoi, frère? Les nuits. Entourer les nuits. Parler de cantiques, Vous savez très bien qu'il ne peut pas avoir beaucoup de nuits en un seul jour, non? Si c'est le pluriel, ça suppose que c'est quoi? Donc ça veut dire que chaque fois quand dans la nuit, elle est, parce que dans la nuit, vous allez vous coucher. Alors quand elle se couche, qu'est-ce que son cœur fait, frère? Son cœur pense à l'amour de sa vie. Donc cette personne est habituée à la méditation. Amen. C'est n'est-ce pas? Au point où même si elle est couchée. C'est pour ça qu'au chapitre 5, elle dit que pendant qu'elle dormait, parce que quand tu te couches dans la nuit, c'est pour dormir. Quand elle dormait, son cœur continuait. Ça veut dire que son cœur a été entraîné à la méditation. Au point où, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis en train de prêcher, je suis en train de prier pour vous. Je suis en train de prêcher. Et puis, c'est David qui est en train d'aller ici dedans. David, vous voyez? Alors, il faut que les deux là soient disjoints. Regardez bien. On doit apprendre la méditation, nous. On doit apprendre la méditation jusqu'à ce que... Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Mais que vous ne me comprenez pas, faites entendre cette voix, c'est jusqu'à ce que ça vous pénètre. Maintenant, il faut qu'on arrive au niveau où les deux sont disjoints. Amen. Comme cette personne-ci qui est couchée dans le lit. Nous sommes en train de voir là maintenant, dans le cantique. C'est-à-dire que cette personne-ci est couchée, mais son cœur continue le travail. Or, quand le cœur continue le travail, cette personne n'est plus consciente. Ça veut dire qu'à cet instant, le Saint-Esprit a pris le relais dans son cœur pour prier par l'Esprit. Notez le psaume 1 et Josué 1. Donc, gardez-vous à l'esprit, la première partie que nous sommes en train de voir, c'est débarrasser de quoi? Non. Voilà. Nous avons convenu que c'est les mauvaises pensées qui nous dérangent. Nous avons convenu que ça se trouve en nous. Nous avons convenu que c'est. Nous avons essayé de chercher de part et d'autre ce qui peut avoir mis cela en nous. Pas vrai? Maintenant, la première chose consiste d'abord à en retirer ce qui est à l'intérieur de nous. Il faut d'abord que ça sorte d'abord. Comment ça doit sortir? Nous allons voir tout à l'heure ce que l'Écriture en dit. C'est débarrasser. D'abord de ces mauvaises choses qui se trouvent en nous. Quand ça se trouve en nous, ça se débarrasse, on va débarrasser. Et si les choses, on a localisé des choses à l'extérieur qui peuvent nous faire entrer dans en nous, on s'en débarrasse. Donc il faut le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur. Vous me suivez? Je dis il faut pousser. La première manche consiste à se débarrasser de l'intérieur et à l'extérieur. Vous souvenez pour le cœur des femmes, n'est-ce pas? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Où est-ce là? Ce cœur-là. C'est ça que Dieu dit qu'il cherche dans les femmes. Dans la majorité des femmes, non pas cela. Comment faire pour que ça se soit? Ça, c'est pour les femmes. Prenons le cas des générales. Alors, nous nous trouvons donc assaillis par de mauvaises pensées. Nous nous trouvons bombardés par de mauvaises pensées. Et même quand ça ne vient pas, vous restez. C'est ça qui sort de l'intérieur. Donc, à un moment donné, ça vient plutôt de l'extérieur pour entrer. Vous commencez à penser mal. À un moment donné, vous êtes seul. Il suffit d'ouvrir la Bible comme ça. Et puis subitement, vous en avez pensé à quelqu'un, vous vous rendez compte que vous êtes sur la page de la Bible, mais vous n'êtes pas en train de lire la Bible. Vous êtes quelque part d'autre. Qui vous a transporté là-bas, frère? Vous mettez à genoux. Je vais prier maintenant. Vous fermez les yeux comme ça que Seigneur, quand je dis Seigneur, après vous pensez maintenant à telle personne. Vous dites, juste parce qu'un temps vous riez même. Vous êtes dans la prière, vous êtes censé prier. Vous êtes en train de prier maintenant. Maintenant vous voyez, c'est en train de regarder telle personne. La sœur d'aller s'est mariée. Maman, Dieu, c'est bon. Et mon cas, c'est comment? Vous êtes dans la prière. Vous partez là-bas pour la sœur Adélaïde. Vous voyez comment vous allez nous diriger, n'est-ce pas? Pourtant, vous êtes dans la prière. Quelque chose vous y a transporté. Mais maintenant, regardez bien que ce n'est pas bombardé de l'extérieur. Parce que tu as d'abord eu une information par rapport à cela. Une personne curieuse prend cette information pour essayer de t'exploiter. Pour que tu pousses ta méditation dans cette direction-là, il faut lui fermer la voie. Il faut lui fermer la voie. Maintenant, ce que nous allons faire au courant de ces enseignements, si c'est exactement comme cet enfant, c'est « Viens, mon garçon, viens. » Vous voyez ces jeunes enfants? Si vous donnez votre Bible qu'il lit, il ne lira pas. Vous savez pourquoi, frère? Vous savez pourquoi? Il ne pourra pas lire. C'est pas son niveau. Maintenant, pour qu'il sache lire. Mais pourtant, il va falloir qu'il sache. Pourtant, il faut qu'il sache lire. Vous voyez cela? Donc maintenant, il faut que je prie par l'esprit. Il faut que je prie dans mon cœur. Ah, ce frère, je n'y parviens pas. Pourtant, il va falloir que je le fasse. Il faut passer par là. Il faut. Parce qu'il est dit, je dois méditer. C'est un commandement. Donc, il faut donc l'apprendre. L'apprentissage. Ok, il est parti. Vous avez... Donc, ça l'a dépassé. Donc, c'est le symbole de quelqu'un qui va commencer. Il va lâcher ici. Je suis là, il me tourne une seconde pour parler. Le garçon est rentré là, s'asseoir. Bon, ne t'inquiète pas, comme Moïse. Alors, donc, ce garçon-ci qui se tient devant nous, vous dites, je lui donne le livre de Jean, chapitre 15, le verset 3 qu'il lise. Il l'ouvre comme ça. Il dit, mais vous êtes à côté, vous regardez. Vous savez, vous dites, ah, déjà, vous êtes pu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que vous avez eu à être entré dans la manière de lire. Ça peut être facile pour vous. Maintenant, lui, maintenant, on va commencer d'une certaine façon à lui enseigner cela. Comment on va commencer? Il va falloir qu'on lui apprenne d'abord l'alphabet. Vous voyez cela? Après avoir appris l'alphabet, dans le cadre général, il faut qu'on lui apprenne les deux groupes, et les consonnes et les voyelles. Qu'il sache distinguer les voyelles des consonnes. Après, maintenant, on commence à prendre deux de chaque côté. T, A. Ta. Pour quand il va voir T, A quelque part, il dit... C'est ce qu'on va faire avec votre cœur. Viens, moi, t'as sauvé un jeune garçon. Donc, on va apprendre l'alphabet du royaume à notre cœur. Regardez, Patagnier, cette formule scientifique, celui qui va donner la phrase maintenant. Quand le muscle ne travaille pas, s'atrophie. C'est ce qu'eux, ils enseignent. Parce que ton muscle, si ça ne travaille pas, même votre cerveau, si ça ne travaille pas, petit à petit, on perd les facultés. Mais plus vous poussez des réflexions, plus vous poussez des réflexions, le déploiement d'énergie que ton cerveau peut produire, ça peut produire une centrale nucléaire. Alors maintenant, si le muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Maintenant, si c'est le muscle qui ne travaille pas, peut-être sur le bras de papa, depuis il ne porte plus le saut, vous durez peut-être 5 ans sans porter un tir de 10 livres. Et de ce jour, vous baissez chaque fois maintenant, uniquement vous portez un sac de 5 ans. Vous faites attention, vous ne faites pas attention, ça va briser les reins. Parce que vous avez brusqué le corps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut donc l'éducation doucement pour commencer. Donc quand tu vois le sang de ciment, tu dis, tu ne peux pas me vaincre. Vous faites comme ça. Pourquoi vous faites comme ça là? Pour essayer de dire aux muscles que prépare-toi à affronter. C'est ce qu'on va faire. On va aller vraiment doucement. D'accord? Maintenant, ça, je viens de prendre un exemple. Vous avez passé 5 ans sans porter le saut. Dites-moi depuis combien de temps vous n'avez jamais médité. Vous voyez le nombre d'années que le cœur n'a pas travaillé, ce qu'il devait travailler. Essayez de me dire. Depuis combien de temps? Je dis la méditation des Écritures telle que la parole de Dieu, donc là où nous allons aller. Ou mieux encore, dites-moi combien de temps, depuis combien de temps les mauvaises pensées sont dans vos cœurs? Dites-moi. Depuis? C'est en fonction de votre année, non? C'est en fonction de vos années. Donc plus tu as duré sur la terre, plus les mauvaises pensées se sont accumulées. N'allez pas dire à ces cœurs-là que maintenant, quand tu vas faire comme ça, tching, par un chute de manière, ça va sortir. Vous voyez que plus vous avez de l'âge sur la terre, plus vous avez des problèmes. Parce qu'il y a des choses que vous avez vues dans ces que la génération n'a pas vues. N'est-ce pas, frère? Vous entendez pourquoi tu as indiqué à notre époque 100 francs pour telle chose. Il est mal barré. Parce qu'il y a des choses qui accompagnent ces 100 francs dans cette époque-là. Pas vrai? Et les choses qu'il a vues qui ne se passent pas maintenant. Pas vrai, frère? Alors maintenant, ça veut dire que pour pouvoir t'aider, peut-être ça n'a pas été profond. Il va falloir maintenant qu'on lui donne le B à bas. Ceci comme ça là. Pour les faire méditer, les enfants-ci comme ça, vous voyez ces enfants-ci, les petits-enfants que vous voyez, 5 ans, 6 ans là, si on se réunit dans une maison, une semaine, je m'enferme avec eux une semaine, quand ils vont rentrer, en sortant comme ça, ils vont rentrer comme ça, si un démon se cache en toi, vous allez tomber. Parce que le but, c'est que l'homme intérieur travaille. Si l'homme intérieur travaille, remarquez, je vais vous montrer quelque chose. Chaque fois ici, il dit par exemple... aux gens qui sortent pour aller prêcher, marcher, aller prêcher n'importe comment. Supposons que vous rencontrez un franc-maçon en route. Ils ont ce qu'ils appellent le déclencheur du troisième œil. Tout ce que tu sais, c'est Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus est mort pour tout le monde entier. Il est mort pour tout le monde entier. Lui, il te regarde comme ça là. Pendant que tu es en train de parler, il déclenche son troisième œil sur toi. Pendant que tu es en train de parler, il fixe la glande pinéale à l'intérieur. Toi, tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. Il dit que Jésus est qui là? C'est notre sauveur. Il peut te faire, tu déshabilles au carrefour en te suggérant les pensées qu'il veut de toi. Vous voyez la dangerosité d'aller commencer à parler de ces choses-ci sans être envoyé. vous retrouvez devant un sataniste qui pratique, qui fait les translations astrales. Parce qu'il sort consciemment de son corps. Ça veut dire qu'il peut être devant toi, il sort, il est derrière toi. Il sort, il est derrière toi, il parle à ton esprit, il gifle toi, tu fais comme ça. Je crois qu'il y avait un moustique là. Vous êtes où là maintenant, frère? Maintenant, sous nos richons d'aller vers eux. Alors pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils appellent l'autosuggestion. Ils y travaillent. Ils y travaillent. Vous me suivez, frère? Amen. Ils vont dans les miroirs. Ils fixent les miroirs jusqu'à ce qu'ils envoient les faisceaux lumineux sur le miroir, que ça retourne dans le troisième œil. Ils le font. Vous avez vu les yoga, les techniques de yoga. Ceux qui font des moyens orientés, ils ont des positions. Ils s'assoient là-bas. Ils ferment les yeux. Le but, ils ferment les yeux, c'est pour parvenir à voir avec l'autre troisième œil. Juste parce qu'ils commencent à voir les visions. C'est comme ça qu'ils fabriquent. Vous les voyez donc dans les monastères, ils sont là-bas, ils sont en train de dégrainer les chapelets. Ils méditent. Quand ils méditent comme ça, vous voyez quelqu'un il se lève dans la lévitation. Ah non, ça c'est la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie. Jésus a marché sur l'eau. Comment il a fait, frère? Il marchait comme ça là, sur l'eau. Il dit non, allez continuer là-bas, c'est trop loin. Il commence à marcher sur l'eau. Il a médité pour marcher, frère. Il avait la chair comme nous, pas vrai? Vous pensez que c'est comment? Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, ça veut dire qu'il y a un travail à l'intérieur qu'on doit faire. Alors, c'est difficile aux chrétiens de méditer parce que leur cœur n'a pas été entraîné à la méditation. Leur cœur donc n'a pas le langage, l'alphabet. L'alphabet de la méditation. Ou mieux encore, l'alphabet de la parole. On est astreint à lire la parole parce qu'on nous a appris à lire. Mais comme à l'école, il n'y a pas l'apprentissage de la méditation, on ne parvient pas à faire. Pourtant, la Bible ne demande pas seulement de lire. La Bible dit, heureux ceux qui lisent. Oui, c'est bon. Quand tu es heureux, parce que quand tu lis un peu, tu peux trouver des moments de rafraîchissement. Quand ça ne va pas, tu sais, même Job a souffert. Ma part n'est pas encore grave. Donc, tu vois, tu te consoles là-bas. C'était bon parce que tu as lu. Maintenant, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez cela? Vous voyez, il ne dit pas de tes yeux parce que ça peut trouver des aveugles. Vous voyez cela? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux. Ça peut s'éloigner de tes yeux sans que tu ne lises. Vous voyez cela? Mais tu peux le lire avec ton cœur sans avoir les yeux ouverts. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux. Médite-le. On n'a pas dit lis-le. Vous pouvez passer toute une nuit, chaque jour, que je lis le matin, je lis le soir, sans jamais accomplir Josué 1:8. Parce que la Bible déclare là-bas dans Josué chapitre 1, verset 8, de méditer, pas de lire. Lire, c'est une chose, méditer, c'en est une autre. Donc, vous ne pouvez pas prendre votre lecture quotidienne de la Bible. Vous faites ça un an. Il y a des gens qui ont le plan de lecture annuel, qui lit chaque année. C'est-à-dire que le 1er janvier qui arrive là-bas, il a son calendrier lunaire, ou c'est quoi, vous appelez cela. Il lit comme ça, on a dit là-bas dans ce calendrier liturgique que lundi c'était choqué, il lit. Après, en un an, il a lu la Bible. Ok, tu as tout fini de lire la Bible, il dit oui. Tu as médité. Il dit la méditation, c'est quoi? Donc, en réalité, il n'a jamais fait ce que Dieu a demandé, tout en lisant la Bible. Parce que c'est derrière la méditation que vient la révélation. Amen. Pas derrière la lecture. Vous lisez la Bible, n'importe comment ça ne fera, parce que Dieu n'a pas caché la révélation derrière la lecture, mais derrière la méditation. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages, aux saints. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Dans ce proverbe, dans ce psaume chapitre 119, là, verset 160, il dit que la révélation de tes paroles est claire. Donc ça veut dire qu'en lançant un coup d'œil dans le cœur, au travers de la parole, le Seigneur commence à parler. On y va? Donc, la première, ça, ce sont les choses, des aspects qu'on va voir plus tard. Mais je suis en train de vous montrer tout simplement qu'en réalité, très souvent, ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'en réalité, maintenant, vous vous souvenez, c'est déjà des songes que quelqu'un dit, par exemple, que je suis couché au lit, on est venu m'attraper sur le lit. Je n'ai pas pu bouger. Je pouvais voir, c'est comme si vous voyez la personne. En fait, vous pensez que vous voyez, c'est pas vos yeux que vous voyez. C'est votre œil spirituel que vous voyez. Vous voyez quelqu'un qui se déplace comme ça avec les. Vous appelez avec le capuche. On t'appuie sur le. La personne ne touche même pas. Il te regarde comme ça, là, tu es paralysé là-bas. Il dit que frère, je voulais crier, ma voix ne sortait pas. Parce qu'on ne crie pas avec les choses à une voix là. Ouais, quelqu'un se lève comme ça. Entre temps, une personne de dormir, il dit c'est quoi? Il dit laisse-moi comme ça, on va pas me tuer. Et tu es couché dans le lit où ta porte est fermée. Tu as fermé la porte avec des esprits à l'intérieur. Pas à l'intérieur de la maison, mais à l'intérieur du corps. Parce que le boulevard, la porte physique, si, est fermée à clé. Quand vous fermez comme ça, vous avez l'œil du bœuf, vous dites, c'est qui ça? Il n'y a personne. Sûr que c'est Satan. un bloc comme ça là. Tu as fermé le territoire où tu vas fermer là pour que c'est pour te laisser lui laisser le champ de bien te traiter. Parce qu'arrêtez ici, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardez ton cœur. On a doublé, maman verra doubler les portes, c'est quoi? Les planches. C'est sur la porte, non? Regardez bien combien d'étagères il y a là-bas. On a doublé ça pour bloquer qu'il n'y ait pas de bandits. Parce qu'il y a des bandits qui volent la bouteille de gaz. Donc pourquoi on ne vient pas couvrir les bouteilles de gaz? Mais on a l'intérieur. L'intérieur qu'on laisse ouvert. Par conséquent, quand quelqu'un vient la nuit pour t'appuyer, il ne vient pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur parce qu'il y a quelque chose là-bas qui lui donne l'autorité. Maintenant, quand le corps spirituel, donc ton corps, ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle par homme intérieur, n'est pas vivifié, couvert par la puissance du Saint-Esprit, tu es mort. Alors donc c'est pour ça qu'on peut faire dans ce cauchemar. Parce que tu dis que je voulais crier Jésus, je ne peux pas crier. Pourquoi? Parce que Jésus, pour crier Jésus, il faut avoir que le cœur est, il a dit J, E, Z, O, U. Jésus, il ne sait pas prononcer. Comment veux-tu croire qu'en David le danger pourra prononcer? Donc il faut que le cœur soit entraîné à ce royaume-là pour que le moment est arrivé, que le cœur puisse parler. Pour que vous restez tranquille, vous puissiez parler. Amen. Vous avez lu le livre de Néhémie chapitre 1, n'est-ce pas? Quand il était à côté du roi. La prière se passe ici. Ici. Quoi qu'on a vu la prière fervente des justes ici, n'est-ce pas? Voilà. Regardez bien cela. Alors il faut que nous allions dans les Saintes Écritures, par la grâce de Dieu, on essaie d'entraîner notre cœur à lire la Bible sans que ça ne soit les yeux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Au mieux encore, après avoir lu la Bible, il faut méditer. Parce que la méditation vient après la lecture. Si vous lisez la Bible, vous fermez la Bible, vous avez seulement pris le renseignement de ce qui est écrit là-bas. Vous avez pris le renseignement. Ok, maintenant la question maintenant, c'est la méditation maintenant t'apporte ce que le renseignement là veut pour toi, pour ceux de ton côté, pour ta, la volonté de Dieu pour toi. C'est à ce moment-là, c'est dans la méditation que viennent ces choses. Donc, jetez coup d'œil dans le renseignement. Quand vous regardez la cartographie du Cameroun, vous dites, il faut que je prenne la carte, je regarde. Mais même si vous tapez sur Play Store pour regarder quelle est la route qui mène à Bafoussam. Après avoir pris le renseignement, vous dites, ok, ça va passer comme ça. Maintenant, il faut emprunter ce chemin. Ok, vous avez lu la Bible. Je lis. Voici les miracles. Dans Marc chapitre 16, je trouve là. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Vous lisez ça, vous fermez la Bible. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du breuvage, mais ils ne feront pas. Ils éprouvent même malades, mais là, ils seront guéris. Et puis tu lis, tu soulignes. Tu dis. Des promesses pour les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont lu ça, frère. Ce sont les chrétiens qui ont lu ça. Qui a lu? Donc, sans doute, tu as des questions à poser là-bas. Et ce verset est en train de te poser derrière. Donc, vous avez des conversations à faire. Dans cette conversation-là, c'est l'intimité de la méditation. Pour miracle, ceux qui avons. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, ça veut dire qu'on. Le verset, ça veut me renseigner que si j'ai cru, il y a quelque chose qui m'attend déjà. La question maintenant, c'est est-ce que j'ai cru? L'examen avec le cœur doit aller. L'examen. Vous vous souvenez des 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Quand je lis ça, ça m'interroge encore. Suis-je en Christ? La méditation. D'accord? On va y revenir. Donc, on va durer sur ce travail-ci. Donc, il va falloir que l'alphabet du spirituel de la Bible, que notre cœur soit, commence à aller. De telle façon que vous soyez que vous dans le tas, que vos cœurs continuent la parole de Dieu. En tout cas, on a lu là-bas dans le livre des Cantiques, chapitre 5. Je dormais, mais mon cœur veillait. Cette personne s'y dort, mais son cœur veille. Donc, ça dit que qu'il dorme. Il sait que quelqu'un va s'occuper de la prière. Mais sinon, tu vas te mettre là-bas, Seigneur. Quand ça se fasse, quand on va pas en envoyer le sang partout, parce que le sang, c'est plus protégeant. Seigneur, verse ça partout, verse ça à gauche, verse ça à droite. Mais le cœur veillait. Ça veut dire que le cœur avait les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et il pouvait parler. Si cette personne-ci veille, prenons un exemple. Vous avez un ange que vous avez conscience qu'il est là. Vous savez que vous pouvez dormir avec toute sécurité, non? Parce que si c'est tient là-bas devant avec vous, avec l'épée, vous allez encore prier. Est-ce que vous allez encore prier? Non, vous allez vous coucher là-bas. Que les sorciers du quartier là-bas, passez par ici encore. Parce que vous comptez sur celui qui est à côté de vous. Entrez seulement. Quand on va toucher cette dimension, vous allez commencer à voir les changements tout autour de vous. Vous allez commencer à voir les gens que vous dites, faut que je dise, ah frère Junior, dans notre quartier, il y a trop de sorciers. Il y a trop de sorciers, il y a trop de ténèbres. Apporte la lumière. Comment apporter la lumière? Il faut être la lumière du monde. Quand tu as la lumière du monde, ils vont venir t'attaquer. Que merde, qu'est-ce qui brille là-bas? C'est pas la fesse, c'est pas la façon de bien s'habiller, porter le blanc blanc qui est le problème. Parce que eux-mêmes s'habillent comme ça. C'est que l'homme intéresse soit habillé. Donc, après avoir touché ce processus de nettoyage, il faut qu'on touche le dépouillement. Notez cela. Donc, nous allons toucher, travailler sur le dépouillement. Vous voyez effectivement que dans le monde, on dit « Ah, je suis chrétien. Tu es chrétien comment ? Depuis ma naissance. Tu es chrétien comment ? Mon père était catholique, mon mère était protestant. » Vous voyez, là, on a des protestants, on a des allées. Pourtant, il y a du travail. Vous posez la question, Dieu a donné un petit livre comme ça là pour l'humanité, ça nous dépasse comme ça. Ça veut dire que quoi? Parce que c'est codé. Lui, il est compliqué. La Bible dit de lui que c'est un Dieu qui se cache. Il joue au cache-cache. Il dit, heureux celui-là qui veille à mes portes. Vous avez vu ses portes, frère? Vous avez vu ses portes? Non. Non, vous avez vu. Parce que vous dites que vous êtes chrétien. Parce qu'il a dit que je suis là, la porte. N'est-ce pas que il dit que celui qui entre par là, il va entrer et sortir. Bon, la porte est où alors? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc il a directement mis ça là-bas, codifié ces choses pour que ses enfants puissent venir retrouver de bonnes choses là-dedans. Notez Lamentations chapitre 2, on va y revenir franchement. Oui, je suis en train de mettre seulement des jalons, tout simplement des jalons. Alors la première phase de ce nettoyage-ci, de ce travail-ci, pour les mauvaises pensées, consiste à se débarrasser des choses mauvaises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'accord? Maintenant, quand on va débarrasser, après avoir débarrassé tout cela, on va arriver à l'état. C'est l'état que vous avez vu dans le livre, le but, l'objectif. C'est d'arriver, comme on a vu, vous avez vu dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2 là. Que cette personne s'est dit, quand il dormait, mais son cœur veillait. Ça veut dire que si vous en avez dormi, que vous n'avez pas envie de dormir, votre cœur, quand vous avez touché, vous dites que ça bat là. Ça prie constamment. C'est donc pour cela que mon grand frère disait, priez sans cesse. Il n'y a que le cœur qui peut faire cela. Vous ne pouvez pas faire. Parce qu'il faut un temps que vous allez dormir. Oh, il dit prier sans cesse. Sans cesse, ça veut dire sans arrêt. Il ne s'adresse pas à celui-ci, il s'adresse à celui-là. Vous comprenez cela? Amen. Il faut que celui-là soit armé pour la prière. Il faut qu'il soit entraîné pour la prière. Alors maintenant, vous allez dire à quelqu'un ici debout. Vous dites, papa, t'en es pris sur le repas. Il se lève là. Il dit, on prie comment? L'autre personne dit qu'on prie comment? L'autre personne dit que nous prions. Après, quand il dit que nous prions, il lève la main, il fait la signe de croix. Toi qui as fermé l'œil, tu dis, mais celui-ci est encore catholique ou quoi? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Maintenant, je vous amène quelque part. Puis cette personne se met devant le repas. Il dit, Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Tu connais notre grand-mère qui est au village, protège-la. Elle va aller au village demain. Nous prions pour... C'est sur le repas qu'on est censé prier comme ça. Que nous prions pour elle. Même pour Mavero qui est ici, là, comme ça. Là. Bénis-la, oh Dieu. Bénis mon petit frère. Mon petit frère m'a attaqué à la maison, mais je lui pardonne. Ça, c'est prier pour remercier le Seigneur pour le repas. Mais quelqu'un est allé dans toutes les directions. Et une autre personne, tu dis, mon ami, nous réunissons sur la table pour manger, prie. Il dit qu'il ne sait pas lui prier. Donc, même dit quelque chose comme ça, il ne sait pas prier. Si cette personne ne sait pas prier, même par intelligence, imaginez donc l'intérieur. Il nous faut donc l'alphabet. L'alphabet de la méditation, vous devrez connaître. L'alphabet de la méditation, vous devez connaître. Ça veut dire que quand vous allez dans la Bible, après avoir lu la Bible, vous fermez la Bible, vous déposez votre Bible, quand vous allez comme ça, ce que vous avez lu là-bas, vous avez ouvert ça ici. Ça y repasse, alors que vous allez marcher. Si vous faites cela, écoutez bien, nous avons vu que de l'extérieur, on nous dit, nous avons les mauvaises pensées. Le cœur sera occupé à faire cela, il ne doit pas prendre ces choses-là. Ok, le problème là, c'est que quand le cœur est vide, regardez par exemple, j'en ai parlé ici, un enfant fait, oh, tout le monde est là-bas. Vous voyez ça? Parce que le cœur n'est pas concentré. Quelqu'un ouvre là-bas, croise. Si quelqu'un enlève le croise, passe. Quelqu'un commence dans son cœur. Frère, je n'aime pas encore pousser à la femme, c'est que les salamandres n'est pas bon, le truc n'est pas bon. D'autres entre vous, comment la femme l'a comme ça, il faut encore porter le faux cheveux. Pas vrai? Mais il est en train de côté l'enseignement, mais son cœur lui dit autre chose. Vous me suivez, frère? Amen. Ha. Alors il faut que le cœur soit dans la direction. Dans la... Il y a souvent, il prêche, c'est après un clic. Il demande à quelqu'un, toi tu étais en assemblée, il dit oui, j'étais là-bas. Je t'ai vu. Moi, je suis surpris. Il demande à la femme, vraie telle personne était là, il dit oui. De telle enceinte que vous regardez quelque chose sans la voir. Ça doit être bien pour vous en route. C'est-à-dire que vous êtes là physiquement, mais vous êtes dans le monde. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Expliquez-moi ça donc maintenant, frère. Les activités dans le monde, là, ça vous concerne? Est-ce que ça vous concerne? Si ça ne vous concerne pas, qu'est-ce que donc tu prends le renseignement sur ça? Pourquoi? Ouais, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes dans le monde, que le monde n'est point de faire sur vous. Et vous ne travaillez pas dans le monde, dans cette direction-là. Et par conséquent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une barrière soit construite entre nous et le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, on aime avec quoi, frère? Avec le cœur. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour quoi? L'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père consiste à haute voix. On garde ça au frère. Donc, ça veut dire que, au lieu que ton cœur soit occupé par l'amour du monde, que ce soit occupé par la parole. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il faut que le cœur soit entraîné à méditer. La Bible, ou bien la parole de Dieu, a été donnée pour que les gens puissent les garder au fond d'eux. C'est pour ça que le psalmiste dit : j'essaie ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Ça veut dire que s'il se lâche, ça lâche son cœur, il pêche. Pour déposer la Bible un jour, deux jours, quand vous avez léché, à cet instant, vous avancez dans le péché. Déposez et vous voyez. Donc maintenant, il faut serrer dans le cœur. Avancer avec cela. Sinon, vous allez voir qu'un jour, vous allez commencer à insulter comme le bensikineur. On lui dit, je suis chrétien. C'est pas toi qui fais, c'est ton cœur. Jérémie chapitre 4. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Nous y sommes maintenant. Ouvrez Jérémie. Donc, la première phase, solution, nous sommes notre voie, la solution contre les mauvaises pensées. Première phase, donc, la première chose, c'est sur ça que nous allons travailler. La première phase consiste à se débarrasser de ces choses à l'extérieur, puis à l'extérieur de ces choses, ces coupes sans couper. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, dont je vais te donner, il parle de l'entrée du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Quand il est entré, au cœur du temple se trouvaient donc des marchands qui s'étaient érigés là-bas. Pourtant, il était prévu que ce lieu-là soit un lieu de prière. Dites-moi quel est le lieu de prière par excellence que vous devez avoir. Le cœur. Le cœur. Mais là, je pose la question de maintenant. Qu'est-ce qui peut être identifié en vous qui ne doit pas se retrouver dans le lieu de prière? C'est-à-dire qui est incompatible avec le lieu de prière. Quoi, par exemple? Le Seigneur Jésus qui dit, dans ce Matthieu 21-là, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait des cavernes de voleurs. Quand il a dit cavernes de voleurs, il a commencé à renverser selon qu'il est question. Il y avait quoi dedans, frère? Les tables d'échange. Quoi encore? Les vendeurs de pigeons. Quoi encore? Tout cela tourne autour de là? L'argent. L'argent. Au mieux, la Bible appelle ça la cupidité. Et vous vous souvenez, je vous avais dit ici dans cette parole-là, que si vous avez des brins de vous, vous avez mis le matériel, Satan a son filet en vous. Il peut vous utiliser n'importe quoi quand il veut. Donc, le lieu qui était jadis destiné pour prier, les gens ne venaient pas là-bas pour cela. Alors, aujourd'hui, on fait la même chose dans les lieux de culte. Il y a, pendant qu'on est en train de prêcher, il y a quelqu'un dehors qui vend le foleret. Donc, il est là pour vendre le foleret. Et il vend comme ça au service. C'est la femme de l'homme de Dieu qui a fait comme ça là. De la femme de l'homme de Dieu a assis, pendant qu'on l'applaudit, il y a ces filles spirituelles qui vendent le foleret. En tout cas, il y a le fils spirituel du père du pasteur, le pasteur, qui se trouve là-bas, qui vend les livres du pasteur. Il fait la publicité de son livre à l'intérieur, il dit que voilà, ça va dehors, ne sortez pas sans cela. Parce que si vous ratez ça, vous ratez la révélation. Hein, les frères? Cupidité. Vous voyez? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, la cupidité. Alors, vous passez devant le foleur pour entrer dans le temple. Vous passez devant le livre, vous finissez. Donc, après, on fait une pause. Il y a des récréations là-bas. Il y a le restaurant là-bas, c'est la maman pasteur qui propose. C'est elle seule qui a l'exclusivité de vendre là-bas. Si vous voulez vendre, vous allez vendre sous elle. C'est elle qui distribue. Vous voyez? Que Dieu nous vienne en aide. En faisant comme ça, c'est les saintes femmes qui ont préparé ça. Quand vous mangez de ces repas-là, son foleur n'est pas différent du foleur que vous buvez quelque part. Peut-être même ça peut vraiment vous donner les diarrhées. Mais comme c'est la femme du pasteur qui fait, vous voyez la cupidité, n'est-ce pas? Alors, dans le lieu de culte, le lieu d'excellence, lieu par excellence des prières, comme le lieu d'Ésaïe chapitre 29, dont vous avez noté le verset 13, dit ce lieu de prière-ci est infesté. Il faut le nettoyer, sans blaguer. Il faut le nettoyer, sans blaguer. Les choses sur lesquelles notre cœur nous pousse à méditer chaque fois sont des fondements dans nos cœurs. Il faut couper toutes ces racines. Chapitre 4 de Jérémie, le verset 14. Qu'est-ce que ça dit, mon cher frère? Le verset 14. Écoutez. Purifie ton cœur du mal. Stop. Soulignez. Purifie ton cœur du mal. Qui parle? Ici, il parle de façon grosso modo au peuple juif. Ton cœur du mal. Parce que Jérusalem, souvenez-vous des cantiques que nous avons lus là, par rapport à Jérusalem. Alors, purifie ton cœur du mal. Il continue en disant quoi, mon cher? Afin que tu sois sauvé. Stop. tu veux te préserver de ces choses-ci, purifie ton cœur du mal. Quand il dit purifie ton cœur du mal, qui doit le faire? Alors, il faut qu'il nous explique comment on fait pour purifier son cœur. D'accord? Parce que des choses sont entrées en nous pour nous procurer de mauvaises pensées sans notre consentement. C'est déjà une grâce de savoir ce qui te donne une mauvaise pensée. C'est déjà une grâce. Puisque les mondains sont à l'intérieur, là-bas, sont dehors, ils ne savent pas ce qui leur arrive. C'est déjà une grâce donc, de savoir ce qui te donne de mauvaises pensées. Alors il dit ici, purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Qu'est-ce que j'ai comme rôle pour faire? Je dois purifier mon cœur. Alors on a un travail à faire. Il faut qu'on sache comment purifier notre cœur. Vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus vient dans Matthieu, chapitre 5, verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur. Ils sont dans cet état. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Le cœur pur. Mais ça nous pose problème déjà. Même cette phrase du Seigneur Jésus-Christ est difficile et fracassante. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le cœur pur. Okay. Sinon pas le cœur pur, qu'est-ce qu'on demande? La Bible déclare dans Jérémie 4, verset 14, que purifie ton cœur. Notez le psaume 51, verset 9. Purifie ton cœur. Alors nous sommes en train de marcher doucement. Vous voyez que je suis en allant vraiment doucement, non? Je n'ai pas plus vite comme avant. Je suis en train de prendre de l'âge déjà. Je vieillis. Hein, Patagne? Vous voyez que l'engouement là, ça va déjà. Mais je suis encore vigoureux comme Caleb. Hein. C'est la force de l'expérience. Patagne, c'est toi qui dis ça. Je dis que maintenant tu as la force de l'expérience. Ah, ok. Vous avez entendu pourquoi Patagne dit non? Invite-le toujours ici. Vous allez sucer même les cannes ici, je vous dis. Vous comprenez? Vous allez sucer les cannes. Ça, on ne peut pas enlever les cannes. Il y a ça dans le champ partout. On a l'expérience pour semer les cannes. Alors, quand la Bible nous dit purifie ton cœur, donc il nous donne l'ordre de le faire. Alors, quels sont les moyens de le faire? Maintenant, si vous avez un poids sur vous, vous dites ça pèse. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut décharger. Et quand on dit décharge, quand la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On a dit ce que tu dois faire, ce que tu dois débarrasser. On a indiqué ce que tu dois débarrasser. Puis on a dit où il faut débarrasser. Si tu dois débarrasser, tu dois débarrasser chez quelqu'un d'autre, tu n'as pas fait. Tu vas sortir là-bas avec ça encore. Alors c'est uniquement sur lui, parce que c'est lui le porteur des fardeaux. Amos, le porteur des fardeaux. Vous voyez? Alors ça veut dire que quand vous allez vers lui, vous lui déposez cela. Alors ici il dit, purifie ton cœur afin que tu sois sauvé. Donc la première chose consiste à purifier son cœur. Maintenant, purifier son cœur de quoi? Notez cette phrase. Purifier donc mon cœur de quoi? Alors, quelqu'un qui a eu un accident où on a mis sa main comme ça, vous savez, on met les choses dans la tête, dans la bande, on passe au cou. La personne reste comme ça pour longtemps. Vous appelez, vous mettez les choses blanches là-dessus. C'est pas vous appelez. Comment, frère? Les plâtres. Sa main reste là-bas 3 mois. Vous pensez que le jour où on va laver les plâtres, il va faire comme ça là. Hein? Il va doucement. Doucement pour entraîner jusqu'à ce que la main reprend. Parce que les nerfs sont restés inertes pendant longtemps. Les muscles ont resté inertes pendant longtemps. S'il tente là, il va avoir plus de problèmes qu'au préalable. Alors, ça veut dire que nous allons aller doucement. Première étape, c'est débarrasser des choses. Il y a encore des souillures, il y a encore des mauvaises choses qui se trouvent en nous. La Bible nous dit, purifie ton cœur du mal. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Ok, maintenant. La Bible, alors, je dis, vous notez, purifie donc son cœur, donc de quoi? De quoi donc, si maintenant, dépend de chacun de nous. Donc, l'influence sur laquelle j'ai été, ce n'est pas la même influence que celui-ci a été. Ouais, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous avons une rétrospection à passer. En examinant nos cœurs, les objets de nos dévotions, les objets de nos méditations, ce qui nous attire le plus facilement, nous allons les recenser. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas un travail à la légère. Ce n'est pas un travail à la hâte. C'est un travail méticuleux, jour après jour, pour que vous arriviez à un travail permanent. L'enfant ne va pas à l'école, il dit T-A-T-A. Il ne saurait pas dire, ok, c'est terminé, il connaît un T-A-T-A. Dis-lui comme ça là. Et que demain on dit que c'est férié. Quand le férié passe, revient encore, on avait dit quoi? Tu vois, on comprend que c'est pas encore entré. C'est pour ça qu'on passe le temps à leur dire ça, une fois, deux fois, trois fois. Après, on fait le contrôle pour pouvoir savoir s'il a pu assimiler. Et on y revient chaque fois. Pas vrai, frère? quand il a assimilé, il passe à l'étape supérieure, il ne quitte pas l'école. Il passe à l'étape supérieure parce qu'après, on va dire théâtre, ça ne suffit pas. On peut commencer à dire tantiner. On va dire que tantiner, c'est quoi? Parce qu'on n'a jamais vu tantiner. On commence à former des phrases plus longues. D'accord? Ça veut dire qu'on va arriver à un niveau de nez où vous asseyez tranquille, vous allez prier. Regardez le prophète Ézéchiel. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, la Bible déclare qu'il était assis dans sa maison comme ça. Les anciens d'Israël étaient devant lui. Frère, quand les anciens étaient en lui posant des questions, lui, il était où? Vous avez déjà lu Ézéchiel que je parle? Il faisait quoi à Jérusalem, frère? Lui, il était là de voir les abominations. Mais les gens étaient devant lui, pas vrai? On lui pose la question, tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais le gars était lui à Jérusalem. Posez, je vous pose la question, comment il est allé? Il était là physiquement, frère. Oui. Mais comment il est plus, comment il a pu aller? Mais on dit qu'on a saisi ses cheveux, non? Mais quand on tirait ses cheveux, il bougeait. Puisqu'il envoya une espèce de main. Il m'a tenu le cheveu, il m'a levé entre ciel et terre. Donc il sentait comment on attrapait ses cheveux, n'est-ce pas, frère? Donc le corps de l'homme qui est à l'intérieur a aussi les cheveux. Les yeux. Ça, frère? Alors donc, il faut qu'on arrive à ce niveau-là, non? Maintenant, ça veut dire que pendant qu'il était à Jérusalem, il voyait les visions divines, prenait les notes pour plus tard écrire ça sans que ça ne fasse pas de problème, comme que nous ayons ça de façon parfaite. En détail, il répondait aux questions des gens de Jérusalem qui étaient devant lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors son cœur était habitué à la prière. En tout cas, tout le juif sait prier. Ils savent méditer. On y va, frère. Ça veut dire qu'au sortir d'ici, souvenez-vous de ce que j'en ai dit. On va. Le résultat, c'est, ne pensez pas que je suis en train de dire que je vais vous entraîner, vous amener dans la méditation. Je suis en train de vous donner les portes pour que vous y entrez. Alors ça dépend de vous après que vous ayez écouté cela. Faites-en bon usage. Amen. Faites-en bon usage. Il faut qu'on arrive au niveau où cette femme s'y dit, quand elle se couche, son cœur veille. C'est là-bas le niveau. Parce que son cœur parle. Chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4. C'était chapitre 3, non, verset 1 à 4. On n'a pas lu ça, non? On a commencé, on n'a pas fini. Verset 1, allons-y, écoutez bien. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Stoppons là. Bon. Vous avez les mêmes livres, c'est ça? Parce que quand tu ouvres, tu lui donnes de la page directement, d'accord? Sinon, elle va chercher ce qu'elle a l'impression qu'elle aime de ne pas trouver toute la nuit là. Ça n'ira pas. Ouais, elle a cherché, elle s'est fatiguée. Alors, remarquez très attentivement. Ok, regardez. Ça veut dire que, je veux toute votre attention, peu. Ça veut dire que la personne-ci ne va pas au lit avec WhatsApp dans son esprit. Vous avez moi? Oui. Ne va pas dans le lit avec Toto en Israël. Il ne va pas au lit avec je suis au labo, venez me taper. C'est pas avec ça qu'il parle là-bas. Il part au lit avec l'objet de son amour. L'objet de son affection. C'est avec ça qu'elle dort. De telle enceinte que pendant qu'elle finit par dormir physiquement, le cœur continue à arrimer, à battre au rythme de l'amour pour cette personne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà l'église, donc. L'église qui parle du Seigneur Jésus. L'église qui aime le Seigneur Jésus. Parce que ça veut dire, dans les nuits, il dit toutes les nuits, son objet d'affection, son objet de méditation n'a pas deux sujets. Seigneur Jésus, jusqu'à quand? Vous voyez cela? C'est d'elle dont c'est les questions. Seigneur Jésus. C'est elle qui dit comme ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En tout cas, continuons la lecture. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Oui. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et soulignez, je l'ai cherché. Ok. Ah, que Dieu nous donne un jour d'étudier le livre de Cantique. Maintenant, regardez. Il est clair que cette personne s'est fermée sa porte pour dormir. Je veux toute votre attention. Regardez-moi, fixez-moi. Cette personne, si c'est une femme qui est amoureuse, pas vrai? Et cette femme qui est amoureuse a fermé sa porte pour dormir. Mais la personne qu'elle aime, elle a cherché plutôt dans sa chambre. Je veux que vous compreniez. Normalement, pour chercher quelqu'un, tu dois sortir physiquement par le chair. Ça se trouve que cette personne, ce n'est pas une personne physique. Il y a une façon de la voir. Vous avez lu cette parole aussi de la Bible. Mon cœur dit, cherchez ma face. Il ne dit pas qu'il faut que je me dise que je... Il dit, c'est son cœur qui dit, cherchez ma face. Je cherche continuellement ta face, ô Éternel. Il dit, je cherche continuellement ta face. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, regardez vers la direction de Dieu, votre frère. Chacun, tournez-vous, regardez vers la direction. Tournez. Pas tant que tu regardes où. Et le frère regardez en l'air. Vous regardez, vous dites que vous regardez au ciel. Vous allez regarder maintenant, voici le plafond de ma vidéo qui bloque. Vous voyez que ce n'est pas les yeux dont il est en train de vouloir, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'on tourne vers lui le regard, je me tourne vers le regard de Dieu. Ouais, pourquoi les gens vont aller faire des postes d'idolâtrie, des photos pour dire que mon but c'est de fixer pour essayer d'imaginer que Jésus est là-bas. Ils cherchent la perversion de la méditation. Alors, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le cœur ne se trouve pas de honte, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas entré dans son sentier par la méditation, ça ne peut pas être vrai. On va continuer seulement à réciter. Lorsque vous allez voir. En comprenant tous les pourtours de toutes ces choses, si vous allez commencer à lire les psaumes autrement, lire le livre des proverbes autrement, puisqu'il dit effectivement dans le livre des psaumes, chapitre, enfin, proverbes chapitre 1, le but pour lequel il est pour donner au jeune homme de la réflexion. Donc, le but du proverbe, c'est pas pour lire, c'est pour réfléchir, pour comprendre des énigmes. Vous voyez cela? Il dit en lisant cela au chapitre 2, il dit que la sagesse viendra dans ton cœur. Si tu réfléchis, tu pousses la réflexion, ça vient dans ton cœur, la méditation. J'aime le livre des proverbes. Pourquoi? Il s'est dit des bonnes choses. Hein? Donc tu as les renseignements sur des bonnes choses. Ok. Quel est le résultat de ces bonnes choses-là sur ta vie spirituelle? Ah bon? Ça devait avoir quelque chose. Vous voyez qu'on a des problèmes. Le chrétien, c'est un être surnaturel, normalement. Le chrétien, c'est un être surnaturel, normalement. Donc la vie normale du chrétien, c'est une vie surnaturelle. Parce qu'il parle avec quelqu'un qui est hors nature, hors temps, hors éternité. Et par conséquent, c'est un être surnaturel. Et c'est lui, avec lui qui communique. Et si tu communiques constamment avec quelqu'un qui est surnaturel, tu l'es. Parce que quand vous entrez dans la gloire de Dieu, comme Moïse, vous sortez avec sa lumière. Alors maintenant, ne restons pas de haut, au niveau où, comme le peuple juif, il disait que non, que ce soit lui qui parle et que tu nous transmettes là. La Bible déclare qu'on sort tous ensemble, on court vers la carrière, à l'extérieur. On court vers le propre de Christ, vers la route nouvelle qui nous a inaugurée. Allons où? Courons vers là-bas. Donc, nous tous, nous allons entrer. D'accord, frère? Amen. Nous, frère Junior, c'est quoi? Dis-nous ce qui arrive. Ce qui arrive là-bas, regarde la direction. Je ne vois pas. Oh, ben, quand je regarde là-bas, je vois. Toi, tu ne vois pas, oui. Quels sont les styles des yeux que toi, tu as? Le chrétien a une vie normale. Sa vie normale, c'est la vie des surnaturels. Surnaturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui coordonne ces mouvements, tout ce qui est l'entour, est induit de façon explicite par l'esprit. Ça veut dire que si Paul, l'apôtre, se trouve en prison, ce n'est pas pour rien que le fils de sa sœur passe au travers des gens qui font le coup d'état. C'est coordonné par le Saint-Esprit, afin qu'il soit là à l'instant où ils sont en train de faire ce guet-apens. Donc tout ce qui contourne tout autour de lui est fait pour le gouverner parce qu'il vit une vie surnaturelle. Vous ne pouvez pas l'atteindre n'importe comment, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne veut pas, il n'est pas au courant de ce coup-là. Ça vous suivez? Mais il n'est pas dit dans la Bible que et Dieu a mis le petit enfant. Si on continue à dire Dieu a mis, vous serez fatigué de Dieu a mis. Vous le voyez tout simplement à l'œuvre. Comme Einstein disait que Dieu, ce que vous appelez hasard, c'est Dieu lorsqu'il vous fait passer incognito. Quand il veut passer qu'on ne le sache pas, vous dites que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Alors, la personne comprend effectivement que c'est Dieu faisant. Vous dites, Joseph, après s'être rendu en Égypte et après toutes les souffrances dont il a souffert, vient au trône et puis ses enfants, ses frères disent, maintenant que notre père est mort, on est cuit. Il dit, non, ne vous faites pas ces chars de choses, ne vous faites pas du mal. Parce qu'il dit que Dieu m'a envoyé. Vous avez un endroit où Dieu a dit à Joseph, va en Égypte. Bon, Dieu lui avait dit que va en Égypte avant qu'il criait. Mais frère, quand il pleurait dans le puits là-bas comme ça, waouh, Dieu lui avait dit que tu entres dans le puits. Donc, tu vois, au fur et à mesure, lorsqu'il arrive au niveau de compréhension, il comprend qu'en fait, c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Il peut donc dire, sans risque de se tromper, que Dieu l'a envoyé. Donc, Dieu peut t'envoyer sans te dire que va. Tu te trouves seulement là-dedans. tu regardes derrière, en méditant sur le chemin que tu as emprunté, tu vois qu'il y a un être surnaturel qui t'a conduit là-bas. Amen. Alors la vie chrétienne est comme ça. Il n'y a pas de hasard pour lui. Tout est coordonné par un être surnaturel pour qu'il vive une vie surnaturelle. Et donc, pour plonger donc, de façon perpétuelle dans cette vie surnaturelle, on doit passer par la méditation. Et quel est le pôle et l'antenne de méditation? Le cœur. C'est le siège, le moteur d'une méditation, c'est le cœur. Tout cœur qui est hautain devant le Seigneur doit d'abord se rabaisser. Tout cœur hautain doit d'abord se rabaisser. Tout cœur contrit et meurtri doit d'abord être guéri. Tout cœur qui manque le pardon doit d'abord pardonner. Il faut que toutes ces collines qui sont élevées soient rabaissées pour que la gloire de Dieu commence à manifester. Donc, point d'obstacle dans le cœur avant la méditation. D'où la nécessité d'abord de se débarrasser. Vous prenez avec les différentes montagnes, les collines, les zones rocailleuses à l'intérieur, les épines qui s'y trouvent, les désirs du monde, la cupidité qui s'y trouve là. Comme Jésus, notre Seigneur, a dit dans Luc chapitre 21, le verset 34, que prenez garde de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès de manger et de boire. Et quoi encore? Et par les soucis de la vie. Donc, vous voyez les choses qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Les soucis de la vie. Est-ce que je m'inquiète du lendemain? Si vous inquiétez du lendemain, notez ça, il faut que ça soit débarrassé. Donc, si votre cœur s'inquiète du lendemain, il faut que le cœur soit entraîné à la confiance au Seigneur. Si la confiance n'est pas établie, ne bougez pas. C'est que vous allez vous tromper. Si vous êtes des personnes qui... Vous avez peur de la mauvaise, des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que peur du lendemain, parce que vous dites, les incertitudes. On dit, achetez le riz parce que ça va être mauvais demain. Et quoi qu'il faut qu'il déménage, je me rapproche du frère Junior. Parce que comme ça, s'il y a la nourriture qui manque là-bas, on entre par là dedans. Parce qu'au moins, ceux qui sont bombardés n'ont pas atteint chez lui. Qui t'a dit par exemple que Dieu ne veut pas que je parte à ce moment-là? Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que votre espérance, vous la mettez sur quelqu'un. Vous la mettez sur quelqu'un. Dieu faisait disparaître ses serviteurs, pas vrai? Et s'il me fait disparaître, vous faites quoi? Donc, ça veut dire que vous ne pas compter sur quelqu'un, vous devez compter sur le Seigneur. Alors, je prends un exemple. Dans mon cœur se trouvent les soucis du siècle. Je dois résoudre ce problème, il faut que ça sorte. Puisque la Bible déclare que prenez garde de peur que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès de manger, de boire. L'autre s'est effacé, je vais revenir là-dessus. Et il dit que, et pas des soucis du siècle. Les soucis du siècle, c'est quoi? Que le standard du monde actuel n'ait pas d'influence sur toi. Si tu as le standard du monde en toi, ça va te créer des problèmes. Il faut que ça sorte. Alors, quand je dis ici, débarrassez-vous, comme dans celui de Jérémie, chapitre 4, verset 14, nous avons lu, il dit que, il a dit quoi? Purifiez vos cœurs. Purifiez donc vos cœurs de quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle par mal qui se trouve dans notre cœur? Et alors, je dis, dans votre influence n'est pas la même que moi. Donc, ça dit que chacun a son influence du mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans ton cœur peut ne pas être la cupidité. Alors que dans le cœur de l'autre, c'est la cupidité. Dans l'autre cœur peut être le manque de pardon. Il faut s'en débarrasser. Dans l'autre cœur peut être telle chose, la haine. Dans l'autre cœur peut être quelqu'un qui aime méditer sur le mal de quelqu'un, mal parler, la calomnie. Alors, il faut aller devant le Seigneur. Donc, c'est à vous donc de compléter la liste. Je dois purifier mon cœur de ces choses-ci. Et ces choses-là, vous devez y veiller. Jusqu'à ce que vous vérifiez que c'est quitté avant d'avancer à l'étape supérieure. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, voici mon cœur. Je dis, quand on dit, on va augmenter le prix des billets à 200. L'essence a cessé. On va vivre dans un pays ici. Le cœur commence à trembler. Si le cœur commence à trembler, parce qu'on a annoncé qu'il y a le prix des choses qui vont augmenter. Imaginez-vous au temps de Pharaon, on annonce plutôt cette année de famine. Imaginez-vous plutôt à cette époque-là. Imaginez-vous sur Abimelech, fils d'Abimelech, à Guérar, sous Isaac, une famine qui est annoncée. Imaginez-vous maintenant à Antioche, sur le territoire de Judée, sur Agabus, où la famine est annoncée. Si la famine est annoncée, vous ferez quoi? Mais le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Que l'intérêt ne soit pas influencé par n'importe quelle mauvaise nouvelle. La Bible déclare que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne craint pas de mauvaises nouvelles. Donc on voit effectivement que tant que notre confiance n'est pas agrippée sur lui, les mauvaises nouvelles vont nous faire des problèmes, pas vrai? Mm-hmm. Vous imaginez par exemple qu'il me tient avec quelqu'un et dit le deuil arrive. Un frère junior ne dit pas ça, pardon, je ne veux pas entendre. Pourquoi? Parce qu'il craint les mauvaises nouvelles. Mais pourtant, si c'est écrit là-bas, c'est mieux de connaître. Sinon, le jour où ça va te souffrir, bam, tu tombes évanoui en AVC. Il faut donc te réanimer aussi pour que tu te lèves pour voir les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, frère de Nassier? C'est ça ou c'est pas ça? Oui, il ne dit pas amen parce que c'est qu'il veut dire quelque chose. Les habitudes du deuil. Donc, je vous ai dit au départ, lorsqu'on parlait de tenir ferme, première et deuxième partie, que ce sont des choses qui doivent arriver. Et ça doit encore arriver. Ça doit arriver, ça a un but. Il dit, ne pleurez pas, c'est fait pour vous souder ensemble. Et si vous remarquez très facilement, il va vous souder ensemble avec ça. N'est-ce pas, c'est bon qu'il prépare où le deuil arrive. ou bien c'est seulement les deux qu'on dit. Quand c'est bon que quelque chose de bon vous arrive, on ne peut pas vous dire cela, parce que c'est bon. Parce que les choses bonnes ne viennent pas troubler vos cœurs. Ça vient égayer votre cœur. Ça vient égayer votre cœur. Ça dit, papa Tani. Regarde, papa Tani. Il y a de l'affectation qui arrive. Il dit, l'affectation de quoi? Je ne veux pas de l'affectation. L'affectation plus promotion, c'est parce qu'il y a vécu de service. Oui. Parce qu'on a été flatté. Vous dites, quoi? Alors, ça, il dit, je ne veux pas partir là où on avait dit. Maintenant, tu te trouves, il dit, oh. Alors, ce sont les choses qui arrivent. Pour la promotion, ça c'est la promotion, donc mieux on laisse là. Mais c'est ce qui va créer le trouble sur le cœur, comme on dit, oh, ma soeur, toi, prends courage. Prends courage. Mmh. Tu rentres, tu dis, pourquoi il me dit prends courage? Dans sa nuit, je suis préparé. Quand il dit, quand le téléphone sonne, la personne ne m'appelle pas souvent. Ça peut être ce qu'on a dit, prends courage. Dans sa nuit, tu es préparé à prendre le téléphone. Quand tu dis, oh, oui, tu connais la personne, tu as encore quitté comme ça. Dis-moi, pas droit au but, il est mort ou n'est pas mort. Il est mort, je savais. Tu es préparé, pas vrai? Alors, si c'est quelqu'un, vous allez dire que. Hey, oh, il y a des gens qui annoncent de mauvaises nouvelles. Tu es là le matin, tu dis con, tu attends la femme, ton con, c'est qui? Tu ouvres la porte, c'est quoi? Que ta mère est morte, tu tombes d'abord ébanoui comme ça. Là. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir la suite de cela. Les solutions contre les mauvaises pensées. Solutions contre les mauvaises pensées. Que Dieu vous bénisse, les enfants, que Dieu bénisse. Venez servir prioritairement les enfants s'ils ont vraiment faim. Ça va la soeur là? Que Dieu vous bénisse. Servez prioritairement les enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est à toi, il y avait dit ici qu'il y a. Viens. Qu'est-ce qu'il y avait dit quand tu étais assis? Toi qui étais assis ici de ces jours. Je t'ai parlé, t'as dit quoi? Toi, si on t'accuse, tu ne réponds pas. S'il est arrivé, on ne t'a pas encore accusé. Ça sera grave, d'accord? Donc tu ne ripostes pas, tu laisses Dieu faire. Parce que l'accusation a pour but de t'élever. Salut à tout le monde. Comme tu n'as pas dit bonsoir aux gens, dis bonsoir aux gens. Que Dieu te bénisse. Allez, et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des manqueurs qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures, au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Sur la croix, par le germe de l'éternel.